Et maintenant, comment diriez-vous « il le fera »,« il va le faire » ? Là, c'est un autre porte-manteau, « werden ». Donc, avec « il », c'est « er wird ». « Er wird ». W-I-R-D. Oui. « Er wird ». Le faire. « Er wird es tun ». « Er wird es tun ». Il va le faire. Et « il veut le faire ». Er will es tun. Er will es tun. Er will es tun. Et maintenant, il va le faire parce qu'il veut le faire. Er wird es tun. Bien, er wird es tun. Parce qu'il veut le faire. Weil er es tun will. Bien. Er wird es tun, weil er es tun will. Et voulez-vous le faire? Wollen Sie es tun? Bien. Wollen Sie es tun? Donc, au singulier, avec je, il, elle, ça, on emploie le porte-manteau will. Mais avec nous et le vous de politesse, pour dire nous voulons ou vous que je vous vois voulez, on emploie le porte-manteau wollen. Wollen. Wollen. Donc, will et wollen. Will et wollen. Alors que pour le futur, on emploie werden. Et avec je, ich werde. Et avec il, elle, ça. Wird. Wird. Wird. Bien. Wird. Comment dit-on? Nous ne voulons pas le faire. Wir wollen es nicht tun. Wir wollen es nicht tun. Bien. Wir wollen es nicht tun. Et pourquoi ne voulez-vous pas le faire maintenant? Warum wollen Sie es maintenant? Jetzt nicht tun. Oui. Warum wollen Sie es jetzt nicht tun? Et comment direz-vous « il ne veut pas le faire » ? Er will. C'est ça. Er will. Es nicht tun. Très bien. Er will es nicht tun. Et il ne le fera pas, il ne va pas le faire. Er wird. Bien. Er wird. Er wird es nicht tun. Bien. Er wird es nicht tun. Mais revenons à vouloir, un verbe porte-manteau très important. Nous voulons se dit wir wollen. Wir wollen. Avec deux L. Wir wollen. Bien. Wir wollen. Vous voulez, c'est Sie. Sie wollen. Sie wollen. Voulez-vous? Wollen Sie? Et comment diriez-vous « il ne veut pas le faire »? Er will es nicht tun. Oui. Er will es nicht tun.